se me bruncha à Pablito. Il est posé avec des chiquitas. Il a fait faire des tours d'hélico. C'est ça la vie d'un trafiquant. Oh Pablito, tu te crois immortel dans le barrio. Tu regardes les chemises de travers avec tes cigarillos. T'as vidé des âmes, fais verser des larmes, tu es le patron. La blanche ou la bleue, tu dis au petit, c'est pas bon. Pablito, fais gaffe la kika. Il pourrait trahir, fais gaffe la flica. Et Pablito, mitraillette, usi ou canon scié. Cartel de Cali, ça va chier. Pablito, Pablito. Pablito, il tombe pas le dos. Calibré, même au resto. Pablito, la vie c'est de l'eau. Il a vu des choses qui font froid dans le dos. Pablito, il tombe pas le dos. Calibré, même au resto. Pablito, la vie c'est de l'eau. Il a vu des choses qui font froid dans le dos. Pablito, il peut s'acheter un yacht. Pablito, il a besoin de personne. Pablito, Spanish mommy, she a hot tamale. Make 'em spend that money, dummy, go retarded for me. Pop it, pop it, pop it. she won't ever stop it. Lil Dottie, Dottie Roddy, choosing everybody. Split splash, pepper bottles, make that ass fat. She got that wet wet, got me blowing through this whole bag. She got bees, spent some cheese, now they double D's. Thought I had the free kick around, my mama coming home at 3. Whole thicker, thicker, thicker than a fucking snicker. Drug dealer, professional pop whipper. In the winter, buy a whole chinchilla. I just bought my bitch them Kylie Jenner lip fillers. Man, oh my God. She Instagram famous, but she can't keep a job. Ooh. Man, oh my God. Swipe a 30-inch weave on a sugar daddy car. Ooh. Man, oh my God. Her doctor got her bustin' out her motherfucking bra. Mm. Man, oh my God. She Uber to a nigga with no car. Talking about the relish, I do not embellish. Jackie got wings, shoes got propellers. Gave all my jealous to my boy Marcellus. Pulled up with no laces, set the whole block jealous. Oh, Jesus Christ, I don't need advice. Wild nigga life, tell him read my rights. Man, it hot at night, look at what my eyes. 15 in the game, baby girl, I got stripes. Kanye dress me up like a doll, then I hit 6'9". Tell him, give me the ball, bitch, this the dream team. Magic is I recall, whole squad on point, bunch of Chris Pauls. La 25e, on est là, on arrive. Restez branchés, tout le monde arrive tranquillement. On va prendre possession des lieux. Ce qu'on va faire, je vais balancer un premier son en attendant que tout le monde arrive. C'est issu de mon propre projet qui sort à partir de minuit sur les ondes, donc je vous balance une petite exclusivité ce soir. C'est Kakaroto avec Veneti et Schneur, du projet La Boucle, la mixtape disponible sur toutes les plateformes de streaming à partir de minuit cette nuit. Voilà, j'espère que tout le monde est sur les ondes, j'espère que vous êtes chaud. Ce soir il y a le DDRK qui arrive, qui est devant. Donc on balance déjà ça en attendant que tout le monde arrive et après c'est parti. Lance-moi la prod, je suis ailleurs. Les bras ouverts, je déploie mes ailes. Enfermé, je pense à mes rails. Garder le sourire dans le malheur. Seul je m'isole, je suis dans ma bulle. Je refais les souvenirs de la veille. Je fais des erreurs, je suis qu'un homme. Je me suis noyé dans ma taille. Je rêvais d'ailleurs, j'étais bloqué en bas. Le bonheur m'a donné rencard. Crois-moi, je l'attendais depuis long time. Mais je suis arrivé en retard. Je pense à tous ceux qui galèrent. Qui sera là quand tout s'arrête? On va pas troquer nos valeurs. Pour tout miser sur le paraître. Je pense aux billets sans arrêt, je me débrouille sans un rond. Oui, j'ai grandi sans daron. À part la maman Réos, rien ne m'arrête. Seul dans l'arène, loin d'ici, faudrait se barrer. Surveille mes arrières, on se rejoint dans le carré. J'ai la dalle depuis l'époque. Je traînais en bas, survêt la cause. Je voyais les grands faire des gros sauts. Gérer le réseau. J'ai gardé mes rêves de gosse. Monte le volume dans le poste. Dorénavant faut des euros pour acheter mes fautes. S-H-A-O. Solo parmi tous ces hommes. How is du tout en Essonne. Y'a des bâtards qui manigancent et des pétasses partout. Ghetto, police, molotov. Pas besoin d'école pour faire des sommes. Écoute le récit de ma vie sur Pro Tools. On jungle le dans la jungle le. Igo les Yankees viennent en bas à la queue le. Trop offensif pour eux dans le jeu, je les entends dire. Oh, tacle-les-le. Tacle-les-le. Tacle-les-le. Comment ça un chinois dans le rap débarque? Oh, tacle-les-le. Flow révélateur, Veneti n'est pas venu sans chaleur. Leur place perdue dans le fire. J'appuie sur l'accélérateur. Nouveau signal, j'en suis l'émetteur. Aussi bon à jeun qu'avec ma liqueur. Je ne suis pas là pour leur tèche des fleurs. Sont trop naïfs, fuck tes électeurs. L'Afrique se meurt, j'entends peu de pleurs. Je miserais, tu frimais comme bœuf. Certaines paroles t'attaquent en plein cœur. Pour ça que j'évite beaucoup de douceur. La plupart de ces rappeurs sont losers. Je m'amène pour baiser freezer et couleur. Je fais ça one shot, cul sec et shooter. Vroom vroom, direct dans le rupteur. Ne m'apprends rien comme tes historiens. Des menteurs, leurs bêtises ne vaut rien. Le courage, la daronne, bien au-dessus de mes paroles. De l'admiration, je ne suis qu'humain. Pour elle, je ferai tout, en chacun de nous. Y'a une part de divin. Défiler ma life sur papier, mon encre de l'or noir. Comme celui d'un Libyen. Solo parmi tous ces hommes. Hawes, du tout, en Essonne. Y'a des bâtards qui manigancent et des pétasses partout. Ghetto, police, molotov. Pas besoin d'école pour faire des sommes. Écoute le récit de ma vie sur Pro Tools. On jungle le dans la jungle le. Igol et Yankee viennent en bas à la queue le. Trop offensif pour eux dans le jeu, je les entends dire. Oh, ta queue le. Ta queue le. Ta queue le. Comment ça un chinois dans le rap débarque. Oh, ta queue le. Je sors de mon vaisseau. À ma gueule, un gros béto. Sauvage, c'est mon gros défaut. J'ai rien de ce qu'il me faut. Ah. Lors je me balade comme un homme pour me servir. J'ai croisé petit cœur qui a tenté de me pervertir. J'ai croisé des bons poteaux qui ont tenté de m'avertir. Au final je me suis retrouvé à tous les servir. Mais bon, je vois pas l'avenir dans la beuh, ni dans les bras d'une grosse pute. La nuit est noire mais je vois pas de lune. Solo parmi tous ces hommes. Hawes du tout en Essonne. Y'a des bâtards qui manigancent et des pétasses partout. Ghetto, police, molotov. Pas besoin d'école pour faire des sommes. Écoute le récit de ma vie sur Pro Tools. On jungle le dans la jungle le. Igol et Yankee viennent en bas à la queue le. Trop offensif pour eux dans le jeu, je les entends dire. Oh, ta queue le. Ta queue le. Ta queue le. Comment ça un chinois dans le rap débarque. Oh, ta queue le. La 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h minuit. Radio-Sud.net. 101.8. Radio Sud. La 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h minuit. Radio-Sud.net. 101.8. Radio Sud. La 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h minuit. Radio-Sud.net. 101.8. Yeah, yeah, yeah, yeah. La 25e, ça y est, on a pris possession des locaux. Donc ce soir, c'est émission spéciale. On est avec... Alors, les gars, approchez-vous, prenez les micros, prenez les casques. Parce que là, j'ai une première question déjà, avant de faire des bêtises. Attends, calme-toi. Maman, c'est moi, maman. Maman, tu m'entends? Ouais. C'est moi, je suis à l'antenne. Maman, c'est moi. Ciao, comment tu vas? Ça va et toi, mon gars? Ah, ça va, je bois une Volvic bio. Je suis un gars bien fit. Ça se voit, hein. Là, ça se voit. Après l'émission, je vais aller courir un peu. Tu vois? Vas-y. Je vais faire un footing de un footing, mais bon, c'est un bon. Un footing nocturne. Ah, je bois. Vas-y. Avant de dire des bêtises, les gars, comment on dit le nom du crew? Parce que moi, j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Vas-y, dis-le. C'est LJDRK. LJDRK, voilà. Ok, c'est bon. Donc ce soir, on est dans la 25e, 22h minuit, émission spéciale LJDRK. Donc pour ceux qui savent pas, c'est l'alliance de Derek, si je ne m'abuse, et de LJ, c'est ça? C'est LJ Ace, mais en minuscule, on dit LJ. Ok, LJ. En gros, hésite pas à approcher le micro, mettez-vous à l'aise les gars, tranquillou. En gros, c'est si on formait un groupe, toi et moi, on s'appellerait Chaudunes. C'est ça le délire. Le Chaudunes. C'est ça le délire. Ouais. Vas-y, ok. Bon, bah les gars, donc je vous explique un petit peu le déroulement de l'émission. En gros, la première heure vous est consacrée. Donc on va parler de vous, on va diffuser vos sons, on va faire des petits jeux, des trucs comme ça. Et puis on va terminer sur un petit freestyle. Le tout, on va essayer de le filmer si on peut. Et puis en deuxième heure, il y aura Rizzo qui sera là. Il va faire sa petite chronique. Et on termine l'émission dans le calme. Voilà, okay. Voilà. Amen. Amen. Donc ce que je propose, c'est que Jounes, tu nous mettes un petit jingle. Tu nous mets un petit jingle. J'en ai déjà mis 4, frère. Ouais, ouais. T'as tout épuisé, là. Ouais, mais c'était histoire de rameuter les gens, tu vois. Et puis une fois que le jingle est lancé, on est parti. Vas-y, vas-y. Je te le mets comment ? Sucré, salé ? Sauce manioc, c'est pour les frères, tu vois. Vas-y, je te balance ça, frère. Fort. La 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h, minuit. Radio-Sud.net. 101.8. Ok, mission spéciale LJDRK. Alors les gars, on a un petit rituel dans l'émission. Je sais pas si vous avez déjà écouté. En gros, en chaque début d'émission, on demande aux invités de nous faire un jingle, tu vois. Donc pour lancer l'émission, pour lancer le truc. Donc nous, on s'est amusé à faire un jingle. On va s'amuser à le remettre, comme ça vous l'entendez. Cinq fois, on l'a déjà mis 5 fois. 25e, nanana, 22h minuit. Et en gros, une fois que le jingle il est fini, c'est à vous, tu vois. Vous faites votre petit truc. Et nous, on servira des voix pour refaire des jingles plus tard. Ah ok. Tu vois. Vas-y, je vous balance ça. Puis vous y allez juste après. Eh, vous posez. Capté, t'as capté ou quoi? Parce que t'es là, on dirait, t'as besoin de petite fiche, tout ça. Fiche technique. J'ai capté. Faut parler en Wolof apparemment, vas-y. Moi, je peux pas, moi, j'assume pas. Vas-y, je te rebalance le jingle et puis après, vous partez en freestyle. La 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h, minuit. Radio-Sud.net. 101.8. Et là, c'est à vous. Et là, c'était à vous. On va le rebalancer parce qu'apparemment, on a des droits. C'était pas prêt. On touche de la SACEM. Moi aussi, en vrai, voilà. On touche de la SACEM. Je sais pas, tu vois, vous vous présentez, on est dans la 25e, tu vois, un truc comme ça. Okay. C'est juste histoire de lancer l'émission, tu vois, après, on est parti. Sois pas timide. Ok, ça y est, j'ai capté. Vas-y. Ah, tu veux que je te rebalance ? Rebalance ça. Je vais devenir riche. Radio. La 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h, minuit. Radio-Sud.net. 101.8. Ouais, en direct de la 25e. Ouais, c'est LJDRK. On est à la. Yes. Bon. Ok, Bienvenue. Voilà un jingle. C'est timide, mais un ça. Petit. Un petit jingle. Mais ça, c'est beau, ça va venir. C'est si. Donc, ben voilà, première question. Vous avez déjà fait un peu de radio ou... Non, jamais, jamais. Jamais. Ouais, c'est la première fois. Ben nickel alors. Moi, ça me fait plaisir que ce soit chez nous, tu vois. On entend bien là, ça grésille toi dans ton truc ? Ouais, moi je. Ouais, vite fait, okay, hein. Ok, attends, je vais me mettre comme ça et je vais arrêter de bouger. Donc, les gars, LJDRK, est-ce que vous pouvez nous dire sur quel réseau on vous retrouve ? Quels sont vos réseaux si on veut vous retrouver, si les gens veulent vous ajouter ? Sur Snap, Insta. Sur Insta, on a un compte LJDRK. Ouais. Et sinon, après, on a nos comptes perso, LJS et Derek. Ok. Tu t'écris ça comment, LJ ? Moi, c'est. Mon Insta, c'est quoi ? C'est. Ok. C'est Lenny G. Ace. Lenny G. Ace. Ouais, c'est L-E, 2-N-Y-D-A-C-E. Ok. Le drapeau noir. Ouais, c'est ça. Yes. Et toi, Derek, c'est quoi ? Moi, c'est DRK.25K. DRK.25K. Une seule publication, hein ? Ouais. C'est un petit compte aussi, ça. Ça arrive, t'inquiète. Vas-y. Si, si. Et YouTube, tout ça, non ? YouTube, il y a une chaîne, hein, LJDRK. Ouais. Ok. Bah ouais, bah il y a LJDRK, il y a que le clip de Derek. Ok. Et bah moi perso, je suis sur une chaîne qui s'appelle S Record. Ok. Et bah moi je suis dedans parce que quand j'ai commencé la Zik, et bah c'est il y a mon oncle qui m'a proposé de balancer mon premier clip dessus. Ok. Du coup j'ai dit oui. Yes. Après... Ouais, t'as laissé dessus quoi. Ouais. Ok. Yes. Donc moi, ce que je propose, c'est que je balance déjà un son de chaque book. Donc là, le premier son que j'ai sous la main, c'est le son de LG. Ouais. Je crois que c'est celui que tu as clippé en plus. Ouais. Il me semble que c'est celui-là. Mmh. Donc je vais balancer ça. Après, je balance celui de DRK. C'est Sultan. Ouais, ouais. C'est ça l'exclu, ça. Ça, c'est l'exclu. Mais toi, ouais, t'as un petit corps, mais t'as une grosse voix un peu. Ah, gars. Ah, monsieur. Moi, c'est, je comprends pas d'où ça sort. Sombre, sombre. Sombre. T'as dit sombre, il t'a dit. Il y a des bas-fonds. Yes. Donc ce soir, émission spéciale, LG DRK, on balance directement deux, ben, un inédit et un clip qu'on peut retrouver sur YouTube. LG Freestyle, je crois. Ouais, Freestyle LG. Freestyle LG. Ouais. C'est parti, la 25e, on est chaud. Sultan RS, ouais, dès qu'on défaut pas du stress, ego dans la la tête, il faut charbonner. Je vais atteindre mon but et toi t'es mal barré. La concu, on va l'effacer. Fais qu'à foutu pas de gros, le secteur est miné. Et ça dit quoi, on va les choquer. Avec Enzo, bien sûr qu'on est OP. La frappe dans la massa, tu vas voler. Tout est cellophane, on veut des billets violets. On a capté le jazz, on a capté le bail. Gros, on a trop la dalle, donc on va tout graille. Trop habitué à faire du le sein. Toi, qu'est-ce que tu baffes, trop faut tu la pétas. T'as capté des lèvres, faut que tu bouges la tête. Te connais à bloc, je suis pas ton refrain. Et face à nous, tu ne peux qu'échouer. Je sais trop cramer comme t'es grave rincé. Gros, ça bouge pas, on est alpin, j'ai un offerza. Tu me fais que tu sais, normal, ton flow est trop banal. Gros, ça bouge pas, on est al et on gère nos ferza. Tu me fais que tu sais, normal, ton flow est trop banal. Dans la salle du temps, on ne fait que d'évoluer. Et non, personne pourra nous arrêter. Donc, Hugo, je te conseille de t'écarter. On veut pas ramer, faut voilà les billets. Dans la salle du temps, on ne fait que d'évoluer. Et non, personne pourra nous arrêter. Donc, Hugo, je te conseille de t'écarter. On veut pas ramer, faut voilà les billets. Pour une histoire de love, Hugo, tu peux te faire shooter. Ouais, te faire shooter. J'ai les deux pieds sous raté. Histoire de love, Hugo, tu peux te faire shooter. Ouais, te faire shooter. J'ai les deux pieds sous le raté. Sur Sultan RS, ouais, tu craches augmente le bénéfice. Sultan RS, ouais, les comptes défaut pas du stress. Sultan RS, ouais, tu craches augmente le bénéfice. Sultan RS, ouais, les comptes défaut pas du stress. Et nous on a bossé, fais pas le mec qui est chaud. Toi t'es bon qu'à jacter, j'trouve ça très chaud. Eh, t'es qu'un gros mytho. M'appelle pas mon frérot si tu passes sur mon dos. Nous on a la dalle et toi ça dit quoi? Quand sur ça bouge pas, on gère nos faire ça. À ta place, je suis au sud en dead side. Sans forcer Ego, nous on y arrivera. Ego, moi j'peux rap pour les choquer. J'fais ça en dessus, même t'es qu'à bouge la tête. Sur la prod, on est OP, gros. Vas-y doucement, sans le roi, j'y vas béton. Hey, t'es ma comment on gère, gros, faut la technique. Tout est stratégique, faut faire délire. Non pas comme nous, on vient faire la diff. Et ta copine kiffe quand on a plus de style. J'me rappelle à l'ancienne, elle s'écartait. Maintenant, Ego, elle veut trop se rapprocher. Désolé, j'cours qu'après la monnaie. Même quand y'a Bobby, Ego, moi j'suis OP. Et nous, on est OP pour t'effacer. Sur le tempo, t'es grave nul à briser. Il faudra pas nous sucer, ouais, après. Ouais, après qu'on aura plein du succès. Pour une histoire de love, Ego, tu peux te faire shooter. Ouais, te faire shooter. J'ai les deux pieds sous le raté. Pour une histoire de love, Ego, tu peux te faire shooter. Ouais, te faire shooter. J'ai les deux pieds sous le raté. Sur Sultan RS, ouais, tu caches, augmente le bénéfice. Sultan RS, ouais, les comptes défaut pas du stress. Sultan RS, ouais, tu caches, augmente le bénéfice. Sultan RS, ouais, les comptes défaut. La 25ème, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao. 22h minuit. Radio-Sud.net 101.8. Yeah, on est toujours dans la 25ème, l'émission spéciale LJDRK ce soir, 22h minuit, comme d'hab. Donc, on vous a passé deux morceaux. Donc, c'était LJ Freestyle LJ et DRK Sultan. Donc, les gars, on va passer un petit peu dans le. Un peu votre historique. Donc, je sais que c'est tout. On va dire que c'est tout nouveau pour vous, entre guillemets. Mmh. Vous êtes un nouveau groupe, vous êtes formé il n'y a pas très longtemps. Donc déjà, vous avez quel âge déjà? Moi, j'ai 18 ans. 18 ans, ouais. Et moi, j'ai 19 ans. Moi, j'ai 47 ans. Ouais, ouais. Et là, je suis sur... Et après l'émission, il faut que j'aille chercher les gosses. Ah, bizarre. Donc, c'est vrai que t'es une sacrée voix. Tu te dépêches de me poser des questions, là, s'il te plaît, parce que je fais que c'est à foutre. Si, oh, si, putain. Si, si. Et vous avez commencé le PERA à quel âge? Enfin, il y a combien de temps, à peu près? Comme ça? On va dire il y a... Approche-toi, approche-toi. On va dire il y a... T'as un micro, frère. Hein. On va dire il y a 5 mois, un truc comme ça. 5 mois. Quand j'ai commencé, j'habitais à Lyon. Ok. Et puis, ouais, on va dire 5 mois. Ok. Ouais, donc c'est tout frais encore. Ouais. Je crois, hein, je crois. 5 mois, ok. Donc, excuse-moi. Toi, t'es pas originaire de Besançon, non, non, du coup. Soit si, si, en fait, j'habitais ici, mais après, en 2017, je suis parti à Lyon. Ok. J'ai fait un an et après, je suis revenu ici parce que j'ai déménagé à Dijon. Ok, d'accord. Comment toi tu peux commencer le rap il y a 5 mois alors que t'as un clip qui date d'il y a 7 mois? Bah c'est pour ça, je sais pas. Bah ouais, bah ça veut dire il y a 10 mois. Alors l'année dernière, alors. Ah. Ouais, en fait t'as commencé non, début d'année dernière quoi. Ouais, ouais, à voilà. Peu près. Ouais. On va dire t'as fait un truc et puis au final tu t'es dit vas-y quoi, t'as continué. Mm-hmm. Ok. Yes. DRK, toi, c'est quoi? Moi, c'est l'année dernière. Ok, pareil, les mêmes eaux à peu près. Ah, c'était pendant les vacances, les grandes vacances. Ok. Mois de juin. Si, si. Si. Non, mais... il faisait beau. Il faisait beau, j'avais envie de rappeler, quoi. J'étais non, mais c'est bien aussi. J'étais à la piscine, je me suis dit, pourquoi pas. Après deux, trois allers-retours, tu vois. Et si je faisais du rap? Allez, c'est bon, on y va. Si, si. Mais ça pète. Moi, je trouve ça bien, tu vois. En vrai, ça pète, hein. On a tous les détails. Yes. Donc, si j'ai bien compris, LG. LG, moi, il y a l'année dernière aussi. L'année dernière, ouais, ouais. Donc toi, t'étais un peu entre Bezac, Lyon, ouais. Dijon. Non, Bezac, Lyon. Bezac, Lyon, ouais. Ok. Je suis pas à Dijon. J'habite à Dijon, mais je suis que ici. Ok, yes. Et puis DRK, toi, c'est quoi? C'est Bezac, hein, plus. Ouais, ouais. Yes. Ok. Alors, moi, j'avais une question sur les blazes. Parce que aujourd'hui dans le rap français, il y a plein de blazes. C'est un alphabet, votre histoire. S-T-H, M-H, D-P, N-L, tout ça, tout ça. Non, et du coup, je voulais savoir, ça correspond à quoi? DRK, LD? Bah moi, LD, L, c'est la première lettre de mon prénom, Lenny. Et D-Ace, c'est, on va dire, c'est un personnage que je kiffe dans One Piece. Ok. Et donc, coup, référence One Piece. Ouais. Et puis, j'ai su qu'il y a un rappeur qui s'appelait D-Ace, mais exactement. Je connaissais pas, c'est mon cousin Kenzo qui m'a dit. Excuse-moi, pourquoi tu niques mes questions que je pose? Ouais, parce que je la sentais, celle-là. Je la sentais. Non, je la sentais. Ouais, D-Ace, mais il est passé dans le cercle aussi, j'avais vu ça. C'est le boogie freestyle surtout, ouais, ouais. SNCF. Moi, je le connaissais, mais je savais pas qu'il s'appelait D-Ace. Okay. Yes. Donc, c'est en fait, t'as réduit tout ça en LD, quoi. Ça, quand on m'appelle, c'est soit LD ou soit LD Ace. C'est pas D Ace. Ok, si, bien vu. Et DRK? DRK, c'est. Ça veut dire Derek. Yes. Et vas-y, je sais pas, j'ai pris ça comme ça. Hein. C'était en juin, il faisait beau. Vas-y. Moi, Derek, c'est bien. J'aime bien Derek. Vas-y. Ok. Bah, c'est bien aussi. Moi, j'aime bien quand c'est simple et puis, tu vois, pas de prise de tête. Au moins, c'est pas des grandes histoires, tu vois, autour d'un blaze. Ouais, bref. Du coup, blaze, c'est DRK. Ouais. DRK, c'est la contraction de Derek, du coup. Ouais, parce ouais. que Derek, tu l'écris comment, toi? D-E-R-E-C-K. Ok. Yes. C'est ton prénom? Non. Lui s'appelle. Non. Il s'appelle. Il a commencé. Pose de balance. Bon, apparemment, on dit pas les prénoms dans l'émission, donc on va pas. Ok. Par rapport au clip, j'ai vu que vous avez fait une chaîne commune, du coup. Ouais. Donc LG DRK, il y a que le clip de DRK, du coup. Ouais. Il y a quelques. Tu nous as parlé de la chaîne S-Record TV. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Parce que j'ai vu qu'il y avait quand même des abonnés sur la chaîne. En gros, la chaîne S-Record, c'est un label indépendant. Et dedans, ils mettent des clips de quelques artistes. Mais je crois que ça fait longtemps qu'elle est ouverte, cette chaîne. Ok. Et moi, je la connaissais pas, perso. Et yes. Je l'ai connu que quand j'ai commencé. Et puis on va dire que les personnes qui tiennent la chaîne, c'est mon oncle et puis son frère. Ok. Puis, donc, par la force des choses, tu t'es retrouvé sur la chaîne, quoi. Ouais. Ok. Et t'as pas pensé à remettre tes clips sur la chaîne? À partir de maintenant, je vais mettre dans LG DRK. Si. Parce que j'ai plus envie de mettre sur Instagram. Vas-y. Tu peux parler plus fort. N'hésite pas à parler fort, hein, n'hésite pas. Si. Ok, vous êtes de quelle origine, les gars? Maoré. Ouais, Maoré. C'est quoi, Chikoni Keto? C'est quoi, c'est Mzamboro? C'est quoi? Hé, GG Boni. Si. Non, tranquille, Mayotte, on est ensemble, les gars. 976. Ouais, c'est ça. Doucement, il y a un gang qui va t'entendre. Tu connais, il se déplace en masse. À À coup de canne à sucre. Si, si. Ok, Mayotte, les deux. Mayotte, les deux. Si, si. Ok. Bah, big up à la communauté mahoraise, parce que je sais qu'ils sont beaucoup, beaucoup à Bezac, Planoise. Ils aiment bien faire des barbecues. En plus, c'est vrai. Dans des endroits bizarres. Ah oui. Si tu vois des Renois dans la plaine, on sera en train de faire un barbecue. C'est des mahorais. Tu sais, c'est la base. Il y a un club, j'ai vu, il y a un club de hand, un club de foot. Ah oui, bah Boogie, Boogie, il en fait partie. Bah ouais, big up Boogie, big up Ben. Oh ah, c'est Soda. Ben Bako, tout ça, on connaît, si. Et en dehors du rap, à part le rap, parce que du coup, le rap, c'est un peu nouveau pour vous. Vous faites quoi? Vous taffez? Vous êtes Moi, je suis en bac pro commerce, en terminale. Tu vends quoi? Hein? Tu vends quoi? Je vends des Tours Eiffel. Ok. Des petits modèles de Tour Eiffel. Il m'a dit ça d'un sérieux. Non, je suis en bac pour commerce. Je suis dedans, mais j'aime pas trop. T'es où? T'es sur Bezac? Ouais, à Tristan Bernard. Ok. Ouais. C'était bien, Tristan Bernard. C'est pété. Tristan, vas-y. Pardon, excuse-moi. Ouais, je suis en cours et puis je taffe aussi, je fais Uber Eats. Ah ouais, ok. Aye, aye. Yes. En vélo? Ouais, en vélo. Un débrouillard, quoi. Ouais. T'as raison. T'as raison. Et Derek, toi, tu fais quoi? Moi, je fais quoi? J'ai arrêté les cours. Vu que je suis beatmaker, je produis des artistes sur Paris. Ok. Et voilà. Yes. D'accord, ben on va parler de ça de toute façon. Quels sont vos hobbies? Est-ce que vous faites du sport? Je sais pas, moi. Nous, on a envie de vous découvrir un peu... personnellement, avant de parler vraiment rap, tu vois. Mon hobby, je crois, c'est la musique, moi. La même, voilà, la même. Ça se tue au son, quoi. Ouais. Avant, je faisais du foot et tout, mais depuis que j'ai découvert la musique, bah, je fais que ça. Ok. Ouais. C'est bon, ça. C'est bon, ça. C'est bon à savoir. Juste avant de passer un peu au rap sérieux, je veux juste rester sur les blazes. DRK, je veux juste te faire écouter un truc. Et tu vas me dire si tu connais. J'en suis sûr, je sais ce qu'il va mettre. Je vais mettre quoi? Je vais mettre DRK. Derka qui Derka? Derka de Banks. Derka de Banks. Je vais te mettre un truc, mais tu me dis qui c'est. Là, je suis sur YouTube, ça charge. Ouais, ouais. Ah oh non, ça c'est à l'époque ça. Nous devons être meilleurs que ça. Nous devons les étonner. Tu connais ça ou quoi? Ça me dit rien. Ça c'est mon petit. Ça te dit rien? Ouais, ça me dit rien. C'est un mec qui s'appelle DRK, comme toi. Mmh. Bon, il fait du rap français, c'est un peu plus hip-hop. Sinon, je vais te faire écouter un autre truc, tu vas me dire si tu connais. Hop, c'est parti. Tiens. C'est pas le son qu'on a enregistré là. C'est le son qu'on avait enregistré. Quoi? Ça? Vous êtes... Qu'est-ce que tu dis? Bon. Elle est mauvaise. Écoute un peu plus profondément, ça te dit rien ça? Oui, ça me dit rien. Là c'est le refrain, je te mets le couplet. Okay. C'est en portugais, hein? Je sais pas sur quoi. Parce que moi tout à l'heure, je suis allé sur YouTube. J'ai tapé ton blaze, frère. Oui, quel boy. Je tombe sur des Allemands qui font du rap, oh. Ou des Polonais. Faut qu'on fasse quelque chose, tu vois. Ah ouais, c'est chaud. Sur des DRK, il y en a 100, frère, au moins. Oh, je savais pas, voilà. Ça va être... Ah bah gros, je t'envoie les biens. Je t'envoie les biens. Mais justement, pour parler des blazes, du coup, moi, je voulais parler de ton blaze de beatmaker. Mm. Donc, comme tu disais, t'es beatmaker. Sassory on the track. Yes, tu produis des artistes. Donc ton blaze de beatmaker, c'est Sazori. Ouais. Donc référence manga. Ouais. Évidemment, bien sûr. Pour ceux qui connaissent Naruto, Sazori est un génie dans l'art de manipuler des marionnettes. Son talent réussit à lui faire créer toutes sortes de marionnettes aussi complexes que variées. Il peut même transformer les gens qu'il tue en pantins et se servir d'eux comme arme de combat tout en exploitant leurs techniques. Alors Sazori, pourquoi tu as choisi Sazori plutôt qu'un autre personnage de Naruto? Sazori, bah vu que c'est un marionnettiste, je me suis dit quoi? Vas-y, vu que je gère les mélodies, t'as vu? Bah... Ne me dis pas que c'est le mien qui est tombé. Ok. Pardon. Pardon, pardon. Ouais, vu, je que disais quoi vu que c'est un marionnettiste. Bah, vu que j'ai les mélodies, bah, lui, il fait les bails de marionnettiste, t'as vu. Bah, je voulais faire un bail entre un tout parallèle. Ça, t'as vu. Ouais, ouais. Ok. Justement, moi, je voulais remplacer quelques mots. Dire que Sazori, notre Sazori à nous, c'est un génie dans l'art de manipuler les hats, les kicks et les snares. Son talent réussit à lui faire créer toutes sortes de beats. Aussi complexe que varié, il peut même transformer les gens qu'il tue en rappeur. Vous voyez qu'il les change en rappeur carrément. Il les tue, ils renaissent en rappeur, tu vois ce que je veux dire. Voilà, voilà, voilà, voilà. Donc big up, référence ouais, manga. Excuse-moi, Saou, je pense que ça va foutre de répondre à tes questions pourries. Peut-être me faire chier, merde. Il y a les gosses qui m'attendent. Donc du coup, pour parler de... G.A.S. c'est dans One Piece. Ouais, c'est ça. G.A.S. dans One Piece. Grand frère de Luffy. On a Naruto. Voilà. On est dans les mangas, on est dans les mangas à fond. Moi, j'ai l'impression quand même que cette nouvelle génération, les blazes, ils vont chercher dans les mangas. Tu sais, il y a plus de trucs un peu... Bon, sauf toi, DRK. Enfin, si, ça se rit du coup. Comme ça, c'était à la piscine, on a dit. Ah oui, mois de juin. L'année dernière. Mois de juin, ok. Juste avant de passer un son là, j'aimerais bien avoir quelques explications sur du texte. Parce que bon, j'ai écouté vos textes. Chiche. Et ah, des vraies questions. Tu es l'heureux élu. Elle dit, se tient la tête là. Des fois, j'écrivais aux toilettes. C'est croustillant. Non, je vais passer des extraits. Je vais te laisser toi, vous deux me dire. Où il y a la faute en fait. Puis après il y a explication, faudra nous expliquer comment ça s'est passé. Tu vois. Let's go. Vas-y, c'est parti. Alors, que je trouve ça. C'est bon, on l'a, parfait. Délever, de ça je pourrais jamais ne plus aimer. Madame, mamie, famille. Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi tu parles? Ils sont check de loin quand attends, même, mais je crois qu'ils savent de quoi on parle. Je remets un peu. Délever, de ça je pourrais jamais ne plus aimer. Ma daronne, mamie, femme. Vas-y, gros. Lâche-toi, explique-nous. Quoi? Non, ok, je vais te remettre, je veux que tu m'expliques ça. Ça là. Délever, de ça je pourrais jamais ne plus aimer. Ma daronne, mamie, femme. Délever? De ça, je ne pourrai plus jamais aimer. De quoi tu parles? De l'argent. Non, ok, je vais te remettre encore une fois l'extrait, frère. Écoute bien. En fait, c'est un prof de français, lui, tu savais pas. Ah, moi, j'aime pas le français, de moi. De ça, je pourrai jamais ne plus aimer. Non, moi, je déteste le français, moi. Moi, j'ai mais fais du rap, bro. Fais du rap. Là, est-ce que t'as vu la faute au moins? T'as entendu la faute ou quoi? Non, même pas. Personne t'a dit d'enregistrer ça où? À Lyon. Et les gens ils t'ont pas dit, les bougs ils t'ont pas dit, wesh gros, tu. Gros, non, je vois pas. Gros, tu parles maoré. Là, je te le repasse une dernière fois, frère. Délever, de ça je pourrais jamais ne plus aimer. Ma daronne, mamie, femme. T'as entendu ou pas? Répète-moi ta phrase là. Délever, de ça je. De ça, je ne pourrai jamais. Ok. De quoi on parle? De quoi tu parles? Que veulent ces gens? Ah, je sais pas. Vas-y, ça arrête. Au pire, on s'en fout. Viens, on s'en fout. Mais moi, c'est français, attends, moi. T'en as un autre. Ouais, j'en ai un autre. On est sur toi encore. Ils sont sur ton dos. Hein. C'est le dernier. Écoute bien. Tu me dis où est la faute, ok? Y'a les soucis, y'a que ma réussite qui leur feront du mal. Ouais, tellement mal comme la bave du Ronda. Ah, moi j'ai capté la faute. Y'a que ma réussite qui leur feront du mal. Ouais, tellement mal comme la bave du Ronda. Je te remets encore. Y'a les soucis, y'a que ma réussite qui leur feront du mal. Ouais, tellement mal comme la bave du Ronda. Y'a que ma réussite qui leur feront du mal. Elle est là la faute. Elle est là la faute. Mais elle est où? Elle est là, mais elle est où? Elle est là. Y'a que ma réussite qui leur feront du mal. Ah. Qu'est-ce que tu dis, toi? T'as habillé comme un peu d'histoire. Bon, vas-y, calme-toi, prends ton pote. Là, c'était l'instant prof de français de Jounès. Ouais, putain. On est toujours dans l'émission spéciale. Non, je vois toujours pas la faute. Y'a que ma réussite qui leur feront du mal. Et tu sais quoi? Tu vas lui expliquer la faute. On va poser le son. Tu vas lui. On va passer le son Fuego, les gars. Parce qu'on a assez parlé. On va faire parler la musique. Émission spéciale. Elle dit DRK Fuego, on va faire péter ça. Moi je l'ai entendu, j'aime bien. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais. Les gosses au lit. Ice cream, why you so icy? Ice cream, bring that ice, boy. D-E-R-E-C-K-F-J-S, on veut être écouté dans toutes les têtes. J'apprends parler très sacré comme une chef. Je suis juste avocat pour Hermé Conta chef. D-E-R-E-C-K-F-J-S, on veut être écouté dans toutes les têtes. J'apprends parler très sacré comme une chef. Je suis juste avocat pour Hermé Conta chef. Outre le fuego, non, on n'est pas là pour plaire. Tago Marcel sur les réseaux. Finalement, AR, je suis bien. On rentre, on blesse et on se barre après. C'est ce qu'on fera s'il y a showcase. Donc, préviens les secours ici, y'a pas d'issue de secours. Moi je perds pas mon temps au télo, je monte et je me bats après. Et poto, on se rappelle son bigo. Ce soir je fais pas la fête. À midi c'est parti, les gens viennent se servir en mallette. Surtout qu'ils savent ce qu'il a fait. Y'a des guetteurs à la fin, je peux finir mon castage. Assumer fait, non, gros, fais pas la pétale. Derek et Jean et cette année, on gère ça. On va te mêler si je touche à nos faisards. Une pasteuse dans ton thorax, dis-moi si tu coupes ça. Du sentiment et la vie, gros, c'est banal. Une gamme partant, tu cales la chose. Tant que dans son tel, vous dites qu'il est chacun. Une gamme partant, tu cales la chose. D-E-R-E-C-K-F-J-S, on veut être écouté dans toutes les tests. J'apprends parler très écrit comme une chef. C'est tout avocat pour Hermé Conta chef. D-E-R-E-C-K-F-J-S, on veut être écouté dans toutes les tests. J'apprends parler très écrit comme une chef. C'est tout avocat pour Hermé Conta chef. Je te conseille de prévenir les secours, car après cette dinguerie, tu canneras sur le coup. Ils sont tombés sur la nuque quand ils ont appris. J'étais chaud patate dans le peur. Tout est réglé avec des règles, pas là pour rigoler. Cette année, faut choquer. Attrape-moi si tu peux, attrape-moi si tu peux. Les decks veulent m'attraper. Et là pour foutre le fuego, non, on n'est pas là pour plaire. Tago Marcel sur les réseaux. Finalement AF, on rentre, on blesse et on se barre après. C'est ce qu'on fera s'il y a showcase. Donc préviens les secours ici, y'a pas d'issue de secours. Radio la 25ème, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao. 22h minuit. Crac crac radio sud.net 101.8. Tu le connais celui-là, Jounès? Quoi? On est toujours dans la 25ème. Tu connais à chaque reprise de bail. J'étais en train de me dire ça dans ma tête en plus, mais vas-y. Émission spéciale la 25ème. Tous les jeudis, 22h minuit, on est avec LG DRK ce soir. Donc là, c'était le son Fuego. Ce son, il pète. Pourquoi vous clippez pas ça là? Vous attendez quoi les frères? Ce son il défonce. Peut-être en fait le clip il est déjà fait et ils veulent pas déclarer, tu vois? Non, même pas, même pas. Ok. Moi franchement j'ai bien kiffé le son. J'ai bien kiffé le son. Si, si. D'ailleurs dans le son, dans ce son là, vous dites, je crois que c'est toi qui dis ça, je suis pas sûr. Vous dites. Arrêtez de me faire là. Ouais, c'est vrai que là il était fort sur toi, mais tranquille, tranquille, ça va passer. Ça va passer. Dans Fuego, donc tu dis on rentre, on blesse et on se barre après, c'est ce qu'on fera s'il y a showcase. C'est ça? C'est moi qui dis ça. Oui, c'est toi. C'est toi qui dis ça? Ouais. Mais tu sais que quand vous chantez avec l'autotune, des fois vos voix elles se confondent. Ah bon? Moi, ouais. Bah ouais. Ouais, c'est vrai. Donc on rentre, on blesse et on se barre après, c'est ce qu'on fera s'il y a showcase. Est-ce ça, que... c'est français ça. Ouais, c'est français. C'est français. Est-ce que vous voyez sur scène? Merde, pardon. Est-ce que vous voyez sur scène? Est-ce que vous avez déjà fait de la scène? Est-ce que ça vous intéresse? Moi, je me vois bien, mais j'en ai jamais fait. La ah, même. Ok. Et si il y a l'opportunité de faire des scènes sur Besançon, ou est-ce que vous serez chaud pour bien faire sûr. Je sais pas, un ou deux morceaux, ou même ouais. un set bien sûr, bien sûr, ouais. bien sûr. Ok. Yes. Bon, bah, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui veulent organiser des concerts, vous savez qu'il y a des jeunes qui sont chauds. Nous n'en rajouterons pas plus que ça. Merci. Sur ce sujet. On va parler vous un peu. Vous pouvez même les payer en sandwich, hein. Ils prennent tout ça. Snack food. Ouais, notre. Partenariat. Notre partenariat. Donc, les gars, moi, on va parler un peu influence, point de vue, anecdote, tout ça, tout ça. Est-ce que vous pouvez me citer trois artistes références pour vous? Moi, Hamza. Hamza. Ah, j'écoute trop de gens. Après, si t'en as vraiment trois à sortir du lot, là, tu vois. Moi, je m'inspire d'Hamza. J'aime qui aussi. Après, si t'es chaud, chaud, chaud sur Hamza, ça peut être juste Hamza. Hein. C'est vraiment lui, tu vois, c'est... Non, celui que je kiffe dans le rap français en ce moment, c'est Hamza. Ok. Donc en ce moment, c'est Hamza. Le rap belge. Ok. Et toi, Derek? Moi, c'est la CG6. Je sais pas si vous connaissez. La CG6, c'est Villetaneuse, ça. Hein? Ils habitent pas à Villetaneuse, eux? Ouais. Tu grisilles un peu. Si, si, ouais, Villetaneuse, ouais. Je sais pas du tout. Si, si, ils habitent. Ouais, je crois qu'ils sont dans la cité à Beng. Ils sont dans la cité à Beng. CG6, alors. Ouais. Si, si. Que eux ou. Enfin, il y en a plein d'autres, mais. Eux, ils sont en train de tout péter en ce moment. Ok. Yes. Donc, voilà. Et vous avez découvert le rap avec. Avec quel artiste ou quel album? Moi, j'ai découvert. Avec Bram Soladeb. Ok. Ok. Donc non, j'ai pas découvert le rap avec ce son. Hein. Ah. Mais en gros, quand je l'ai écouté, je me suis dit pourquoi pas moi. Ok, d'accord. Et toi, Derek? Moi, je sais pas, oui. Avec Chao. Non. Ouais, en vrai, ouais, ouais. Non, mais t'écoutais autre chose, wesh. Ouais, mais à l'ancienne. Ah, à l'ancienne, moi, ça. Ouais, même... j'écoutais Tupac, Biggie. Je me saignais sur 25 000. Oh, des gros sons, t'as vu. West Coast. Ouais. C'est vrai qu'il a une grosse voix, cette forêt. Non, mais réponds quand même à la question, frère. Ouais, mais je sais pas, en vrai, voilà. Ouais, t'as pas vraiment de référence, en fait. Moi, j'écoute de tout, moi. Ok. Ouais. Autre que rap aussi? Hein? Autre que rap? Comment ça? T'as du rap? T'écoutes de tout? T'écoutes autre chose que ouais, du rap? Ouais, de l'afro. Je sais pas. Dans les sons américains, il y a plusieurs variétés, t'as vu? Vas-y, vas-y. Voilà. Ok. Et moi, j'avais une question, c'était pourquoi vous posez pas exclusivement du coup sur des prods à Sazori? Parce que Sazori, je pense qu'il a un répertoire de prods, tu vois. Alors, est-ce qu'il y a une raison ou est-ce que peut-être. Ouais, on a déjà fait. Ouais? On a déjà fait, mais. Ça va venir. On a notre temps. D'accord, ok. Je vois, ça veut pas trop déclarer les bails. Ok. Et vous enregistrez où, du coup? Chez Sasso. Chez toi aussi. On peut pas trop dire, gros. Ouais, ok. On est en interview, mais on parle pas. donc ça veut dire que vous faites vraiment tout vous-même? Ouais, ouais, ouais. Peut-être à part le clip, en fait. Ouais. À part se filmer, quoi, c'est tout. Ouais, ouais. Ok, bien. Question pour DRK. DRK, beatmaker, rappeur, un peu ingé son, si j'ai cru comprendre. Est-ce que tu t'y retrouves derrière ces trois casquettes? Et puis, est-ce que tu as une préférence? Je sais pas comment je pourrais dire. Si demain, y a un mec qui arrive et qui te dit « Ouais, vas-y, je te prends. » Je sais pas, on est Def Jam Besançon. Je te prends, mais Mleh. Moi, je te prends en beatmaker. Tu vois. Est-ce que toi, tu dis « Ouais, c'est bon, tu vois ?» Ou tu dis « Ouais, mais moi, j'aimerais bien rapper aussi, tu vois ?» Ou « Moi, je veux bien mixer mes sons aussi, tu vois ?» La vérité, je sais pas, en vrai. D'un côté, ouais, pourquoi pas. Mais je sais pas, et d'un côté, j'ai envie de faire mes bails solo aussi. Ok. Du coup, je sais pas vraiment. Ok. Et tu poses que sur tes prods, toi, ou j'sais pas forcément? Bah, en fait, s'il y a une prod qui m'inspire, je pose dessus tout direct. Ok. Voilà. Vas-y. LG. Ouais. LG, toi. Du coup, j'ai bien écouté, j'ai réécouté. Toi, t'es plus kickage, vraiment kickage, ouais, pur et dur. Ou est-ce que t'aimes bien chanter? J'aime pas trop kickage. Je peux le faire, mais j'aime pas trop. Moi, je préfère chanter. Ok, donc t'es plus chant. Ouais. Et est-ce qu'on t'a déjà dit que t'avais peut-être un parallèle avec Leto de PSO? Wow. Tout le monde me dit ça, wesh. C'est vrai? Wow, c'est trop, tout le monde me dit ça. Moi, je vois pas. Pourtant, j'écoute Leto, mais je trouve pas du tout que j'ai... Ouais. Après, moi, j'ai peut-être, tu vois, j'ai un regard extérieur encore, tu vois. Mais ouais, tu vois, je voulais quand même te poser la question. Je me suis dit, peut-être qu'on lui a déjà dit, peut-être qu'on lui a jamais dit. Tous mes potes de l'UE me disaient la même chose. Okay. Et eux aussi, ils l'ont dit, mais je trouve pas. Moi. Ok. J'avais une autre question au niveau des clips. J'ai vu que il y avait quelques mois, il y avait un clip qui avait été tourné que j'ai essayé de retrouver sur YouTube et je l'ai pas retrouvé sur. C'est pas de moi d'aller. De quoi Je sais plus le nom du clip. C'était Bitume, mais on l'a supprimé parce que en fait la qualité du son il était pas bon. Ok, d'accord. Ok. En fait, quand on écoutait nous, tu sais, vu que c'était notre premier clip, on kiffait, mais en fait à force. On dit, ouais, c'est ouais vous avez dit c'est rincé quoi. Donc ouais. Vous l'avez... ouais, on peut faire mieux quoi. Ouais. Ok. C'est dommage, hein. Peut-être que dans 10 ans, tu vois, t'auras envie de revoir le truc sur YouTube, et, tu vois. Non, on n'a plus envie. Ok, ok. Et est-ce que... Ouais, pardon. Ouais, vas-y, tant qu'on est sur les clips, t'as encore une question sur un clip, là. Ouais, c'était, ben, est-ce que vous avez d'autres clips prévus? Est-ce qu'il y en a déjà dans le four? Ouais, moi, j'en ai déjà prévu, mais... moi, j'ai des idées encore, mais faut que je termine le son, en fait, c'est juste ça. Ok. T'as déjà le clip sans le son? C'est un concept? Non, en fait, j'ai le son... Mais il est pas fini. Mmh. Mais j'ai des idées où je pourrais le clipper en fait. Ok, ok. Et vous clippez avec qui? Que avec Maïdo? Bah non, moi perso j'ai jamais fait avec Maïdo. Moi. Ah oui, c'est ton clip avec Maïdo. Ouais, ouais. Toi tu clippes avec qui, LG? Moi j'ai clippé avec Faizy, c'est un pote à lui. Ok. Et, mais pour l'instant là il fait plus, mais je vais faire avec Maïdo là maintenant. Ok. Maïdo, il est plus là. Hein. Parce qu'il faut de la qualité. Hein? Maïdo, il est encore dans le coin là? Il est non, lui, il habite à Limoges, mais s'il faut le faire venir, bah, je le ferai venir. Vas-y, hein. Le padrino. C'est sûr. Moi, j'ai une question sur ton clip là. Gear Second, je l'ai mal dit. Ouais, Gear Second. Ok. L'audi qu'il y a dedans, c'est une log? Non, c'est celle d'un grand frère, un pote à moi. Ok. Pourquoi vous avez flouté la plaque? C'est lui qui l'a demandé. Mais tu sais que la plaque, on la voit trois fois. Ouais, j'essaye, à un moment, on la voit. Je dis, ça sert à rien. Votre connerie de floutage, là. Ah, il analyse. Hein. Ah, il analyse. C'est une perte de temps. Et lui, c'est un sniper, hein, l'enculé. Faut dire ça, c'est lui qui a fait le montage. Moi, je fais pas de montage, moi. Bah, les frères, je l'ai en capture d'écran. Je vous la balance. Les gars, il va venir te mêler, hein. Ça m'aurait. Non, c'est un entier. Ah non, c'est bon, pareil. Machette. C'est bon, c'est... ensemble. Si. Je voulais parler un peu de ce que vous pensez un peu du rap français, rap actuel. On va rester rap français, vraiment. Le rap d'aujourd'hui, est-ce que vous suivez? Est-ce que... Quel avis vous avez sur le rap d'aujourd'hui? Est-ce que vous y retrouvez? Est-ce que vous y retrouvez pas? Moi, j'aime bien le rap français, mais bon, c'est vrai qu'il y a, trop de gens qui rappent. Il y en a qui rappent parce que tout le monde le fait, il y en a qui rappent parce qu'ils aiment bien. Et, en vrai, ouais, il y a trop de rappeurs. Tout le monde, quoi. Ouais. Et après, il y en a, ils sont bien, surtout les petits jeunes de Paris, ils sont vraiment chauds. Ah oui, très chauds. Ils sont chauds. Ok. Sinon, ouais. Ouais, donc plus ou moins, quoi. Tu suis plus l'actualité parisienne, quoi, du coup. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, la base. On voit que ça, en fait. Ouais, la base. Mais vous dites pas qu'il y a peut-être des petits de... Je sais pas, de... Mais... Je dis n'importe, hein, je dis des petits de Vesoul, ou, tu vois, qui peuvent calme être chauds. Calme-toi, Chao, calme-toi. Non, moi, mais je demande, tu vois, je pose la question. Tu vas loin dans tes dires. Calme-toi. Ouais. Les petits de Vesoul, non. Ah mais voilà, non mais je demande quand même, tu vois. Non, moi je connais personne. Si. Vas-y. Et du coup, le rap à Besançon, le rap à l'échelle locale vraiment, est-ce que vous suivez ou pas? Bah moi aussi, j'ai connu qui? Moi j'ai connu toi. J'ai connu CSG, parce que avant j'habitais à Clairceau. OK. Après bah sur Planois, j'ai connu Edinho. Ok. Qui s'étire. Mon cousin Kenzo. Et il y a aussi des potes à moi qui s'appellent la DLS. Yes. Encore des lettres. Non, mais sinon, ouais. Ok. Ouais, tu suis un petit peu quand même. Ouais, bah ouais, je suis obligé de suivre vu que je suis d'ici. C'est qui le rappeur byzantin que tu trouves le plus flingué? Tiens, je te donne demi-coup pour ici. tu n'es pas obligé de répondre à toutes les questions de Junès. C'est toi? Moi, je suis trop beau. Bon, imaginons là, le rappeur le plus flingué, parce que je sais que dans ta tête, t'as un mec que tu trouves flingué, mais tu vas pas. Il vient, il te dit, écoute, faut qu'on fasse un son, toi et moi, je te donne 10 000 balles. Ah, mon petit, lui, c'est un rappeur. Réponds à la question.